Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 5. Des avantages que l'âme trouve dans la privation de toutes les idées et de toutes les connaissances naturelles de la mémoire. Dans la science des contraires, disent les philosophes, la connaissance de l'un entraîne inévitablement la connaissance de l'autre, ayant reconnu les inconvénients que la mémoire peut occasionner à l'âme. On a donc pu facilement déduire les avantages qui leur sont opposés, et qui se rencontrent dans leur oubli et leur privation. Le premier de ces avantages consiste dans la tranquillité et la paix intérieure, dont jouit l'âme délivrée de l'agitation et du trouble, que fomentent les pensées et les connaissances de la mémoire, et de plus, cette paix intérieure entretient la pureté de la conscience et du cœur. Cet état dispose admirablement l'âme à l'acquisition de la sagesse humaine, de la sagesse divine, et à la pratique de toutes les vertus. Par le second avantage, l'âme se voit délivrée d'une foule de suggestions, de tentations et d'impressions, que l'ennemi lui insinue au moyen des pensées et des images, pour la faire tomber au moins dans une foule d'imperfections, et souvent même dans des péchés réels, suivant cette parole de David. Toutes leurs pensées, toutes leurs paroles ont été remplies de malice, psaume 72, 8. Par conséquent, si l'on renonce à ses pensées, le démon perdra le pouvoir de tourmenter l'esprit, grâce à l'oubli et au dépouillement absolu de toutes les choses sensibles. L'âme possède le troisième avantage, c'est une disposition excellente pour recevoir les impulsions du Saint-Esprit, qui, selon la parole du sage, se retire des pensées peu conformes à la raison, sagesse 1, 5. Ne recueillerait-on de ce dégagement d'autres profits que la délivrance des peines et des troubles intérieurs, ce serait déjà un véritable gain. Au reste, les souffrances et les agitations que font éprouver les adversités sont loin d'y apporter le moindre soulagement, bien au contraire, elle les aggrave et nuisent en outre à l'âme elle-même. David dit en ce sens, « En vérité l'homme passe comme une image, et c'est en vain qu'il se laisse aller au trouble, psaume 33, 7, quand donc le monde s'écroulerait, et que toute chose arriverait contrairement à nos désirs, il est fort inutile de s'inquiéter, puisqu'il n'en résulte aucun bien. » L'agitation n'apporte pas de remède aux événements malheureux, mais y ajoute un mal de plus. L'égalité et la sérénité d'humeur enrichissent non seulement l'âme des dons les plus précieux, mais sont encore les plus sûrs moyens d'apprécier les adversités à leur juste valeur, et d'y appliquer le remède convenable. Salomon avait la double expérience de ses avantages et de ses inconvénients, lorsqu'il disait, j'ai reconnu qu'il n'y avait rien de meilleur que de se réjouir, et de bien faire pendant sa vie, Ecclésiaste, 3, 12, par là il nous fait comprendre qu'en toutes circonstances, fussent-elles très fâcheuses, il faut plutôt nous réjouir que nous affliger, afin de ne pas perdre le plus grand des biens, c'est-à-dire la tranquillité et le repos de l'esprit. Supportant les revers comme les prospérités avec la même paix, l'homme spirituel ne perdrait jamais ce calme intérieur s'il s'appliquait, d'une part, à oublier toutes les connaissances et à ne tenir aucun compte de ses pensées personnelles, et si, de l'autre, il se privait, dans la mesure où ses devoirs le lui permettent, d'entendre, de voir le monde, et de communiquer avec lui. L'humaine nature est si facile à entraîner que, malgré un long et fervent exercice d'abnégation, à grand peine pourra-t-elle éviter les écueils de la mémoire. Si propres à faire perdre la paix et à jeter le trouble et l'inquiétude dans l'esprit, Jérémie s'exprime ainsi à ce sujet, « Je repasserai toutes ces choses dans ma mémoire, et mon âme défaillira de douleur. » Zaïne, Lamentation 3, 20. Chapitre 6. De la seconde espèce des connaissances de la mémoire, c'est-à-dire, des connaissances imaginaires et surnaturelles. Ce que nous avons dit en parlant des connaissances naturelles, convient également aux connaissances imaginaires du même ordre, il est cependant à propos d'établir ici des divisions pour les autres connaissances, ou formes surnaturelles, reçues et conservées par la mémoire, telles que vision, révélation, paroles et sentiments communiqués à l'âme par un mode surnaturel. Ces impressions, après avoir traversé l'âme, laissent ordinairement dans la mémoire ou dans l'imagination, des formes, des images ou des figures parfois très vives. Il est bon de donner un avis à cet égard, afin que la mémoire n'y rencontre pas des écueils ou des obstacles capables d'empêcher l'union avec Dieu, dans la pureté et la perfection de son espérance. Or, je le répète, pour obtenir ce bien, l'âme ne doit jamais chercher à conserver les formes et les images, des idées, des connaissances précises et distinctes qui l'ont traversé surnaturellement, ayant toujours présent à l'esprit ce principe, que plus l'âme s'attache à une conception spéciale et claire, soit de l'ordre naturel, soit de l'ordre surnaturel, moins elle a de disposition et d'aptitude à entrer dans l'abîme de la foi, où tout est absorbé. La doctrine de cet ouvrage tend à démontrer qu'aucune des formes, ou des intelligences surnaturelles imprimées dans la mémoire, n'est Dieu, et n'a de proportion avec son être suprême. Ce n'est donc pas là un moyen immédiat d'union, et l'âme, désireuse de tendre vers Dieu, doit se dépouiller de tout ce qui n'est pas lui. C'est encore pour s'unir à Dieu, par le lien mystérieux d'une espérance pure et parfaite, que la mémoire doit se défaire de toutes les formes et de toutes les conceptions imaginaires, car toute possession est opposée à l'espérance. La foi, nous dit saint Paul, est le fondement des choses que l'on doit espérer, et une pleine conviction de celles qu'on ne voit point. Hébreux 11, 1. Il faut donc conclure que, plus la mémoire se dépouille, plus elle a d'espérance, et plus elle espère, plus son union avec Dieu est étroite, l'âme obtient de Dieu autant qu'elle espère. Or, quand espère-t-elle davantage, c'est à l'heure où son dépouillement est le plus absolu. Enfin, lorsque l'âme aura poussé jusqu'à son apogée ce travail de purification, elle jouira de la possession de son Dieu, dans la mesure que comporte la condition humaine. Mais, hélas, combien d'âmes qui refusent de se priver de la satisfaction et de la douceur qu'elles puissent dans les connaissances de la mémoire, et ainsi ne parviennent jamais à goûter la suavité sans mélange, que procure l'union avec le souverain bien. Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être le véritable disciple du Christ. Luc 14, 33. Chapitre 7. Dommage causé à l'âme qui s'arrête aux connaissances surnaturelles, de leur nombre, et du premier d'entre eux. L'homme spirituel s'expose à cinq sortes de dommages, en fixant son attention sur les connaissances, ou sur les images qui sont restées imprimées dans son esprit, après l'avoir traversé par un mode surnaturel. Le premier de ces dommages est de se méprendre souvent sur la nature des choses, le second est d'exposer à la présomption ou à la vanité, le troisième vient de l'accès facile que le démon trouve auprès de l'homme spirituel, pour le tromper au moyen de ses connaissances, le quatrième est obstacle à l'union avec Dieu par l'espérance, enfin le cinquième porte à concevoir de Dieu des idées basses et imparfaites. Quant au premier de ces dommages, il est évident que l'âme spirituelle s'expose à former souvent des jugements erronés, Si elle s'arrête avec réflexion à ses formes et à ses connaissances, personne ne peut, à force d'imagination, pénétrer à fond tout ce qui se passe dans l'ordre de la nature, ni en porter un jugement sûr et complet. À plus forte raison ne pourrait-on pas apprécier les faits surnaturels, qui sont plus extraordinaires et surpassent notre capacité. C'est pourquoi on s'imaginera que telles ou telles impressions viennent de Dieu, tandis qu'elles seront l'ouvrage de la propre imagination. D'autres fois on imputera aux démons les œuvres du Tout-Puissant, et vice-versa. Plus souvent encore il arrivera que certaines formes, ou certaines connaissances, se graveront profondément dans la mémoire, et qu'à leur aide l'âme découvrira le bien ou le mal, soit en elle-même, soit dans le prochain. Ces lumières paraîtront alors à ses yeux, très certaines et très véritables, et cependant elles seront tout à fait illusoires. Le contraire arrive, si l'on répute fausses des choses vraies, bien qu'à mon avis ce jugement expose moins à l'erreur, parce qu'il procède d'un principe d'humilité. Enfin, lors même que l'âme ne s'égarerait pas sur la vérité des choses, elle pourra le faire par rapport à leur valeur et à leur importance. Elle confondra leurs qualités dans son imagination, estimant grandes celles qui sont petites, et donnant, ainsi que le dit Isaïe, aux ténèbres le nom de lumière, et à la lumière le nom de ténèbres, prenant l'amertume pour la douceur, et la douceur pour l'amertume. Citation 5, 20. En un mot, si l'on rencontre juste sur un point, il sera bien étonnant qu'on ne se trompe pas sur un autre. On aurait beau ne pas vouloir former un jugement sur ces choses, il suffit de les estimer et d'y prêter son attention pour que l'âme en contracte certaines souillures, et en souffre certains dommages, du genre de ce premier, ou de l'un des quatre autres dont nous traiterons plus loin. Pour éviter les erreurs du jugement propre, l'homme spirituel ne doit donc pas réfléchir avec curiosité sur ses impressions, ou sur ce qu'il a reçu, ni chercher à connaître la nature de telle ou telle vision, de tel sentiment ou de telle conception. Loin de les estimer, moins encore de les désirer, il lui faut se contenter d'en parler à son directeur, pour apprendre de lui à dépouiller la mémoire de toutes ses connaissances, et à pratiquer en toute rencontre l'abnégation et la pauvreté d'esprit. Quelle que soit la nature de ses dons, le moindre acte de foi vive et de ferme espérance que l'on accomplit en y renonçant, est bien plus propre à porter l'âme à l'amour de Dieu. Chapitre 8. De la seconde espèce de dommage, c'est-à-dire du danger, de se laisser aller, à l'estime de soi-même, et à la vaine présomption. Les connaissances surnaturelles, reçues dans la mémoire, sont encore pour les âmes à donner à la spiritualité, une occasion périlleuse de tomber dans la présomption ou dans la vanité, si l'on s'attache tant soit peu. Celui-là est exempt de ce défaut, qui n'a pas reçu ces connaissances sublimes, car alors il ne voit en lui aucun sujet de présumer de ses mérites propres. Au contraire, s'il se voit l'objet des faveurs surnaturelles, il est facilement porté à se croire déjà quelque chose. Il peut, à la vérité, les attribuer à Dieu, lui en rendre de ferventes actions de grâce, et s'en reconnaître très indigne, mais, malgré tout, il lui restera dans l'esprit une secrète satisfaction, et une estime plus ou moins prononcée de lui-même et de ses communications, d'où résulte, presque à son insu, une grande propension à l'orgueil. Cette superbe se manifeste par l'antipathie, et par l'éloignement que les âmes éprouvent à l'égard de quiconque ose blâmer leur esprit, et n'estime pas ce genre de faveur, ou encore, par la peine dont elles sont accablées, à la nouvelle que d'autres reçoivent de pareilles communications, ou même de plus éminentes. Assurément ce sont là des rejetons d'orgueil et d'estime de soi-même. Quoique ces âmes ne veuillent pas avouer qu'elles en soient remplies, une connaissance superficielle de leur misère leur paraît suffisante, Celle-ci, une fois acquise, elle croit pouvoir conserver pour elle-même une vaine complaisance, et préférer leur talent et leur bien spirituel à ceux du prochain, semblable aux pharisiens qui, rendant grâce à Dieu de n'être pas comme le reste des hommes, énumérait ses vertus, et entretenait sa présomption et son sot orgueil, en disant, « Mon Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes et adultères, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Luc 18, 11, 12. Les personnes spirituelles dont nous parlons ne s'expriment peut-être pas toujours d'une manière aussi formelle que cet hypocrite, mais elles gardent d'ordinaire une bonne opinion d'elles-mêmes, le croirait-on. Plusieurs deviennent par cet excès d'orgueil pire que Satan. Une légère apparence de ferveur sensible et d'émotion pieuse leur donne lieu d'être fort satisfaits d'elles-mêmes, de se croire très rapprochés de Dieu, et d'estimer très éloigné de lui. Au contraire, ceux qui ne ressentent pas ces mêmes effets, en sorte qu'elles les méprisent, à l'exemple du pharisien, pour fuir ce mal vraiment abominable aux yeux du Seigneur, deux choses sont à considérer. Premièrement, que la vertu ne consiste pas dans les connaissances et dans les sentiments qu'on a de Dieu, si sublimes soient-ils, ni en rien de semblable dont l'âme puisse être susceptible, bien plutôt la vertu se rencontre dans une profonde humilité, dans un grand mépris de soi-même, elle porte l'âme à se réjouir d'être ainsi jugée par les autres, et à n'ambitionner aucune estime dans l'esprit du prochain. Secondement, l'homme spirituel doit être convaincu que les visions, les révélations, les sentiments célestes, et tout ce qu'il peut imaginer de plus élevé dans cet ordre des choses, ne vaut pas le moindre acte d'humilité. Cet acte produit des effets identiques à ceux de la charité, et porte l'âme non à rechercher ses intérêts, mais à les mépriser, à ne concevoir de mauvais soupçons que d'elle-même, à ne s'attribuer aucun bien, et à être libérale de son estime envers les autres, d'après ses données. On reconnaîtra qu'au lieu de vouloir attacher un regard de convoitise sur ses connaissances surnaturelles, l'âme doit faire de constants efforts pour les oublier, afin de se conserver dans une complète indépendance et liberté d'esprit. Chapitre 9. De la troisième espèce de dommage, qui peut être occasionné à l'âme, par l'action du démon, au moyen des impressions imaginaires de la mémoire. Par l'enseignement donné plus haut, il est aisé de supputer les pertes qui peuvent résulter pour l'âme, des connaissances surnaturelles dont le démon est le principe. Cet esprit malin peut, en effet, représenter à la mémoire et à l'imagination une foule d'images et de connaissances fausses, dont l'apparence est bonne. Il les imprime par ses suggestions dans l'esprit et dans la partie sensitive de l'âme, et lui donne une parfaite assurance, transformée en ange de lumière, afin de la tromper plus sûrement. Il excite d'une manière déréglée ses passions et ses appétits spirituels et sensitifs, et sait encore l'induire en différentes tentations, même à propos des vérités révélées de Dieu. Oh, qu'il est facile au démon d'augmenter les passions et les attraits de l'âme, et de la faire tomber dans le vice de la gourmandise spirituelle, et dans bien d'autres défauts, lorsqu'il la voit se complaire en ces sortes de connaissances. Pour parvenir mieux encore à ses fins, le malin esprit s'efforce d'entourer les communications divines, de goût, et de douceur sensible, afin que, ébloui, séduite par ses délices, aveuglée par cette suave délectation, l'âme s'attache plutôt à leur possession qu'au véritable amour. En tout cas, le démon visera pour le moins à affaiblir l'amour de cette âme, en la portant à estimer ses connaissances, de préférence à l'abnégation et au vide qui se rencontre dans la pratique de la foi, de l'espérance et de la charité. Ainsi l'engagera-t-il peu à peu dans une voie fausse, Et la portera-t-il à accueillir ses mensonges sans la moindre difficulté? Alors, frappé d'aveuglement, l'âme ne considère plus comme faux ce qu'il est en réalité, le mal ne lui paraît plus tel, les ténèbres deviennent à ses yeux la lumière, et réciproquement, elle tombe en mille absurdités. Au triple point de vue de la vie naturelle, morale et spirituelle, ainsi se vérifie le vieil adage, le vin s'est changé en vinaigre, voulez-vous connaître la cause de ce désordre, eh bien, c'est la négligence de l'âme à renoncer au plaisir qu'elle prenait dans ses communications surnaturelles, dans le principe, cela avait peu d'importance, et lui paraissait sans gravité. Dès lors elle ne s'en est pas préoccupée, et a laissé subsister et croître ce germe, comme le grain de sève qui, si rapidement, devient un grand arbre, ainsi une erreur légère au début, s'aggrave et produit les plus tristes résultats. Pour échapper aux embûches du démon, il importe à l'âme de ne pas se complaire parmi les biens surnaturels, sous peine d'être frappée d'aveuglement, et de s'exposer à de nombreuses chutes. Le propre du plaisir et de la délectation n'est-il pas de causer la cécité de l'âme, et de la rendre moins spirituelle? C'est le sentiment de David, quand il dit dans un de ses psaumes, « Peut-être que les ténèbres me cacheront, mais la nuit même devient toute lumineuse pour me découvrir au sein de mes plaisirs. » Citation 118, 12. Chapitre 10, du quatrième dommage que les connaissances distinctes et surnaturelles de la mémoire peuvent faire éprouver à l'âme, obstacle qu'il apporte à l'union divine. Nous avons peu de choses à ajouter ici sur ce quatrième dommage, tant cette question a été rebattue, pour ainsi dire, à chaque page de ce livre. N'a-t-il pas été suffisamment prouvé que l'âme, éprise du désir de s'unir à Dieu par l'espérance, doit renoncer à toutes les connaissances de la mémoire? L'espérance de Dieu ne peut être parfaite qu'à la condition d'avoir banni de cette puissance tout ce qui n'est pas lui. Aucune forme, ou figure, aucune image naturelle ou surnaturelle, n'est Dieu et n'a de ressemblance avec lui, nous l'avons dit, et David l'enseigne également, entre tous les dieux, il n'y en a point, Seigneur, qui vous soit semblable, Psaume 85. 8. En conséquence, si la mémoire conserve l'empreinte de quelqu'un de ces objets, elle s'en fait un obstacle pour aller à Dieu, elle y trouve d'abord un embarras pour elle-même, et en outre plus elle a de possession, moins son espérance est parfaite, c'est de toute évidence. Il faut donc se dépouiller complètement des formes, et des connaissances distinctes des choses surnaturelles, si l'on ne veut pas empêcher l'union de la mémoire avec Dieu, dans la perfection de l'espérance. Chapitre 11. Du cinquième dommage causé à l'âme par les formes et les impressions imaginaires surnaturelles, ce dommage induit l'âme à concevoir de Dieu des sentiments imparfaits et indignes de lui. Le cinquième dommage n'est pas un des moins redoutables, l'âme s'y expose en voulant retenir dans la partie imaginaire de la mémoire, les formes et les figures des objets qui lui sont communiqués surnaturellement, surtout si elle croit arriver par ce moyen à l'union divine. Il est très facile de juger de l'être et de la majesté de Dieu, d'une manière moins digne et moins élevée qu'il ne convient à la souveraineté de son essence, la raison et le jugement ne se font pas de Dieu. Il est vrai, une idée absolument conforme à ses représentations, néanmoins l'estime de l'âme pour ses connaissances l'empêche de s'élever à cette hauteur de pensée et de sentiment, que nous inspire la foi, dont les dogmes nous révèlent un Dieu incomparable et incompréhensible, tout ce que l'âme donne ici aux créatures, elle le soustrait au Créateur, alors, par suite de l'estime qu'elle fait des premières, s'établit dans l'intime de son cœur une sorte de comparaison entre ces objets finis et l'être infini, et il lui devient impossible de concevoir à l'endroit de Dieu des sentiments conformes à sa grandeur. Je le répète, toutes les créatures célestes ou terrestres, toutes les formes et les images distinctes, naturelles ou surnaturelles, reçues dans les puissances, n'ont aucune proportion, si élevée soit-elle, avec l'essence divine, et ne peuvent lui être comparées, puisqu'elle n'est limitée à aucun genre, ni à aucune espèce. Or, l'âme exilée ici-bas est incapable d'avoir une connaissance claire et distincte, excepté de ce qui est compris sous la dénomination d'un genre ou d'une espèce. Nul n'a jamais vu Dieu, assure saint Jean, citation 1, 18. Isaïe avait dit auparavant, l'œil n'a pas vu, or vous seul, ô Dieu, ce que vous avez préparé à ceux qui vous attendent, citation 64, 4, et saint Paul ajoute, que le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce qu'est Dieu, 1, Corinthiens, 2, 9. Le Seigneur lui-même disait autrefois à Moïse, « Nul homme ne me verra sans mourir », Exode 33, 20. Celui dont la mémoire et les autres puissances sont envahies par la multiplicité des choses compréhensibles, ne saurait estimer Dieu ce qu'il est, ni avoir de lui une idée convenable. Établissons une comparaison bien simple, si, en présence du roi, une personne rendait à ses serviteurs trop d'honneur et de considération, ne serait-ce pas une preuve non équivoque de son manque d'égard et de respect envers la majesté royale? Lors même que cette pensée ne serait pas explicite dans l'esprit, elle se prouverait assez par les œuvres. Une semblable manière d'agir vis-à-vis des serviteurs enlève au maître la prééminence qui lui est due. Plus on admire les sujets, plus on paraît déprécier le monarque. Ainsi arrive-t-il à l'âme à l'égard de Dieu, lorsqu'elle donne son estime à ses connaissances imaginaires. Toutefois cette comparaison est encore très imparfaite, car une distance incommensurable sépare l'être infini de Dieu, de l'être fini de sa créature. Celle-ci doit donc détourner ses regards des formes imaginaires, pour les élever vers Dieu seul, et les fixer en lui par la foi et une espérance parfaite. Cela tombe dans une grave erreur, qui non seulement s'imagine arriver par ses connaissances à obtenir quelque ressemblance avec Dieu, mais encore aspire par leurs moyens à l'union divine. Leur entendement s'éloigne de la pure lumière de la foi, qui peut seule les unir à Dieu, et leur mémoire n'atteindra pas non plus à la hauteur de cette espérance, qui dirige l'âme vers Dieu, comme nous l'avons expliqué, par la séparation absolue des espèces imaginaires.